peu plus fine sur ton lâcher. Si tu tiens et t'appuies tout doucement et ça part. Tenir. Un chargeur. On va en mettre deux. Prends le temps. Blanchir quand même. Il va blanchir ça, non? Tu tiens et t'appuies tout doucement, tu te fais surprendre par le coup. Tu tiens bien. peut-être pas. Oui, oui, oui.